C'est un endroit un peu spécial pour faire connaissance. Mais... Où je traîne, pas sur les bancs de la fac, fais quelques pas sur scène. Où je traîne, le poids des erreurs est dur à assumer. Où je traîne, c'est plus facile de se dire qu'on est tous les mêmes. Où je traîne, dis-moi où tu traînes toi. Où je traîne, pas sur les bancs de la fac, fais quelques pas sur scène. Où je traîne, le poids des erreurs est dur à assumer. Où je traîne, c'est plus facile de se dire qu'on est tous les mêmes. Où je traîne, dis-moi où tu traînes toi. Je m'en veux tant d'être ce que je suis, loin de moi-même et de ces blagues sarcastiques. Du minot que j'éteins, conscient que le temps passerait bien trop vite. Une décennie plus tard, je traînerai une armée derrière moi. Ceux-ci fredonneront mes morceaux quand la weed trompera ma mémoire en attendant aux zones. Mais je t'ai pas demandé de me suivre, atroce. Comment ce soir je suis mal, même mon regard tente de me fuir en dépassant mes limites. J'ai bien cru partir plus vite en côtoyant les pires. J'ai vu la déception tirailler ma famille. Regardez l'infamie, plus vieux on traîne dans les ruelles la nuit. On se met la mine la mie à croire que rien n'est interdit. En cherche de sensations constantes, vos bons conseils sont inaudibles. À croire que l'être humain se contente de boire, manger, fumer, dormir. J'avoue, j'ai pas le moral. J'suis ce type désagréable qui fait la gueule, se demandant ce qu'il pourrait faire de ses 10 doigts. Mais dites-le moi, à part écrire moi, je ne sais pas. J'y médite depuis des mois, mais toujours rien qui m'y prépare. J'ai parcouru la ville en quête de quelques souvenirs. Côtoyer les rues la nuit, j'ai même tout fait pour souffrir. Conscient que personne ne m'attend, plus rien le matin. Je cherche une issue de secours du soir au matin. Je ne viens pas de là où on te met le calon sur la tempe. Pourtant j'ai vu des frères trop vite partir à la tombe. À la tombée de la nuit, je traîne là où les fantômes traînent. Et puis au fond, je suis bien content que personne comprenne. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je rêve de faire disparaître la haine dans mon abdomen. Et malgré tous les coups que la vie a, c'est non tient debout. Immature, on passe la nuit à faire des belles bouches. Je traîne seul ou avec deux trois potes alcoolisés. On fait moins confiance au docteur qu'à l'épicier. Où je traîne, tu traînes aussi, on s'est pas déjà croisé. Tu pensais pas me croiser là, mais qu'est-ce que tu croyais? Où je traîne, pas sur les bancs de la fac, fais quelques pas sur scène. Où je traîne, le poids des erreurs est dur à assumer. Où je traîne, c'est plus facile de se dire qu'on est tous les mêmes. Où je traîne, dis-moi où tu traînes toi. Où je traîne, pas sur les bancs de la fac, fais quelques pas sur scène. Où je traîne, le poids des erreurs est dur à assumer. Où je traîne, c'est plus facile de se dire qu'on est tous les mêmes. Où je traîne, dis-moi où tu traînes toi. C'est la contrainte, contrainte qu'à l'amitié. À cette époque, je tenais mes rênes. Premier peur avant mon lycée, je suis loin de la brinque. Pierre ma bière avec un schlag alcoolisé. Y'a pas de vaccin, moi j'aime rôder dans la vieille ville. Des pavés aux remparts, ouais, quand gavait ses remparts, c'est rentré. Ce soir je te guide dans les bas-fonds de mon quotidien. Génération, je sais pas où je vais mais je le fais bien. Rester dans l'ombre, je galère et je fais les ronques avec un joint. On reste en ombre, à plus faire là que chez le médecin. Pas chaque mestrie, mais rate ma ville, y'a pas d'issue. À chaque récit, je suis dépressif ou quasi sûr de l'être. C'est 26 lettres au bout de mes doigts, je pourrais tailler 1200 fois. C'est là où je traîne, en été comme hiver, que même mon foie croit plus en moi. Combien de tes zincs s'en mordent les doigts, évident de croire qu'on broie du noir. C'est là qu'on traîne, on vit sans gloire, mais le bénéfice de la saveur de la scène. L'odeur du tabac froid, la tache de gras de la veille, c'est craché sur nos rêves. Mais demain, tour commencer là où je loin d'où je creuse mon trou, sommeil mes peines. Preuve d'un amour sans fin. Serein, j'avance en fixant le ciel. Demain m'apprend qu'enfin la patience ouvre des portes où mène mes rêves. Dis-moi où mène mes semaines, où je traîne mes semelles. Chaque carence qu'on me porte, tout me fait effet. Succès d'estime, tout me prédestine à porter le mal sous ses extraits. D'où t'es mes frais, quoi dire, quoi penser. J'engagerai ma parole quand le pourquoi du comment sera censé. J'ai sûrement tort de penser tout ce que je dis. La mort t'enlèvera tout ce que t'as. Étanche à l'aide d'un tourne-disque. La tangente suivie, couper le câble. Auxiliaire, soulever le voile. J'ose prier pour mes braves, nés sous l'étoile du berger. J'ai percé tard sous les balles. C'est quand on pense à rien qu'on vit. L'attente a fait son taf. J'ai pensé trop longtemps que penser rassurait le soir. Hélas, soirée morose, rien à tirer du reste. Les jours défilent, j'évite d'avoir à rester sur terre. Où je traîne, pas sur les bancs de la fac, fais quelques pas sur scène. Où je traîne, le poids des erreurs est dur à assumer. Où je traîne, c'est plus facile de se dire qu'on est tous les mêmes. Où je traîne, dis-moi où tu traînes toi. Où je traîne, pas sur les bancs de la fac, fais quelques pas sur scène. Où je traîne, le poids des erreurs est dur à assumer. Où je traîne, c'est plus facile de se dire qu'on est tous les mêmes. Où je traîne, dis-moi où tu traînes toi.